Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons réhabiliter des animaux bafoués, hués, mal aimés et accusés injustement de bien des torts. Et oui, encore une fois. Après les hyènes, j'ai décidé de vous parler de ceux qui hantent les cauchemars de nombreux auditeurs, les requins. J'aurai ensuite la chance de recevoir Véronique Bialoskorski, présidente et fondatrice de l'association LADEL, les Amis de Lazare, qui s'est spécialisée dans la connaissance et la protection des corvidés, les oiseaux de la famille des corbeaux. Des oiseaux qui souffrent eux aussi d'une bien mauvaise réputation. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Agatha. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Des générations de jeunes gens ont adoré trembler dans les salles obscures au son de ses premières notes de musique. Celle de la bande originale du film Jaws, Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1976 sur les écrans. Tout cela pourrait faire sourire s'il n'y avait pas eu d'autres conséquences que quelques suées nocturnes. Sauf que ce n'est pas le cas. Le succès étourdissant du film a contribué à entretenir une psychose du requin. Une angoisse persistante qui s'accompagne malheureusement de mesures drastiques et sanglantes. Même en France. Sur l'île de la Réunion, on peut en effet assister à une réelle crise requin. En 7 ans, 21 attaques, dont 9 mortelles. Histoire de calmer les esprits à titre préventif, on organise des sessions de prélèvement de requins. Depuis fin mars 2018, 40 requins tigres et 12 requins bulldogs ont ainsi été éliminés. En plus des centaines d'autres abattus depuis le début du conflit. Et si l'on remettait un peu tout ça en perspective ? On estime que les requins seraient responsables d'environ 6 décès par an sur l'intégralité de nos mers et océans. À titre de comparaison, on estime que 30 décès par an aux États-Unis seulement sont provoqués par des chiens, nos plus fidèles compagnons. On pense que les méduses boîtes cumuleraient une centaine de victimes et que les hippopotames, les animaux les plus dangereux d'Afrique, remporteraient ce triste record avec 300 décès au compteur. Comme quoi, si on voulait vraiment faire frémir les gens, on devrait penser à faire un remake du film avec un hippo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 100 millions de raies et de requins payent les frais de nos tendances paranoïaques. Un bien lourd tribut. Alors que les requins sont, eux aussi, des animaux fascinants qui méritent toute notre admiration. Déjà, ils méritent notre respect. Ils étaient là bien avant nous. Leur apparition remonterait à 395 millions d'années. Ce qui fait une sacrée paix. Ensuite, ils jouent, comme les hyènes, mais aussi plus proches de nous, les lynx, ours et loups, un rôle de prédateur et de charognard, essentiel en termes d'environnement et de biodiversité. Et leur goût poussé pour la chair humaine reste purement cinématographique. Quand on pense requin, on pense au grand requin blanc, celui des Dents de la Mer justement, un super prédateur de 4 à 6 mètres de long et de plusieurs centaines de kilos. Plutôt impressionnant, il est vrai, mais pas du tout représentatif de l'immense diversité de ces animaux. On dénombre à l'heure actuelle plus de 530 espèces de requins, et 150 d'entre elles n'ont été découvertes qu'au cours des 30 dernières années. Le plus petit requin, le sagre pygmée, ne fait que 20 cm de long. Le plus gros, le bien nommé requin baleine, peut mesurer 20 mètres de long et peser plus de 30 tonnes. Mais ce paisible géant ne se nourrit que de krill et de plancton, comme les baleines. Et puis certains ont de super pouvoirs. Le requin lutin, qui vit dans les abysses, peut projeter sa mâchoire en avant, comme le monstre du film Alien, pour ne louper aucune proie. Le requin mako peut nager à plus de 60 km/h. Le requin chabot osselet ou requin marcheur peut marcher hors de l'eau, sur ses nageoires. Le requin lanterne est bioluminescent. Et l'on pense que le mystérieux requin du Groenland pourrait vivre plus de 300 ans, un record absolu. Mais ce n'est pas tout. En tant que prédateurs super adaptés, les requins disposent de tout un arsenal digne de James Bond pour arriver à leur fin. Par exemple, ils ont toujours de nouvelles dents, toujours fonctionnelles grâce à un système de tapis roulant qui vient remplacer celles qui sont abîmées. Ainsi, même s'ils n'utilisent que 40 à 45 dents à la fois, ils peuvent user 30 000 dents au cours de leur vie. Et tous leurs sens sont en éveil. Même s'ils ne peuvent pas sentir une goutte de sang dans l'océan, leur odorat est surpuissant. On estime qu'un requin citron peut détecter 10 gouttes d'huile de thon dans une piscine de particuliers. Pas mal. Ils sont aussi pourvus d'un sixième sens un peu unique. Ils peuvent détecter les champs électriques émis par leur proie grâce à des structures situées dans leur nez, les ampoules de Lorenzini. Autre chose, ils ont un super costume. En effet, les requins n'ont pas d'écailles. Leur peau est recouverte de denticules, des sortes de petites dents miniatures qui leur permettent de glisser dans l'eau sans remous. Une innovation tellement bien faite que l'on n'hésite pas à la copier pour des combinaisons de plongée ou des ailes d'avion. Encore plus fort. Une équipe de scientifiques américains a fait une découverte frappante, publiée en 2007 dans le journal Biology Letters. Dans un aquarium, une femelle requin-marteau a été capable de donner naissance à un petit, sans aucune intervention d'un mâle. Le bébé requin est donc un clone, la copie conforme de sa mère. Observé chez quelques rares animaux, c'est la première fois que l'on observe ce phénomène appelé parthénogenèse chez des requins. Super adaptés, très divers, inventifs, sensibles et intelligents, on a beaucoup à apprendre des requins. En tout cas, une chose est sûre, aucune raison de garder une dent contre eux. Et nous revoilà avec notre invitée. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mon micro Véronique Bielskorski, présidente de l'association LADEL, les Amis de Lazare, qui agit pour mieux connaître et protéger les corvidés, les oiseaux tels que les geais, corbeaux, pies et autres corneilles. Bonjour Véronique et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Agatha. Alors pour commencer, moi j'aimerais bien que l'on parle de vous. Quelles sont vos actions et celles de l'association ? Alors, je suis capacitaire sur ces espèces et fondatrice d'une association spécialisée. Nous agissons à plusieurs niveaux qui vont des actions de sensibilisation, collaboration avec plusieurs centres de soins qui nous sollicitent pour notre expérience auprès de ces oiseaux particuliers, mais également des actions juridiques quand nécessaire. Ce peut être aussi des expertises sur le terrain, l'accompagnement des personnes qui ont trouvé un corvidé en difficulté, ce qui représente quand même à peu près un nouveau cas par jour. Quand même. Voilà. Et je suis également conférencière, toujours sur ce thème, bien entendu. Et comment en êtes-vous venue à aimer à défendre ces oiseaux-là, en particulier les corvidés ? Alors, d'abord, j'ai vécu au contact de nombreux animaux depuis l'enfance. Et j'ai toujours passé beaucoup de temps dehors, au contact de la nature. J'ai travaillé avec différents animaux, j'ai fondé une association de défense animale, la DAP 64, en 1992, ça remonte un petit peu. Et puis un jour, j'ai rencontré un corbeau. Donc un corbeau. Oui, ce sont des animaux qui me fascinaient depuis toujours, que j'avais abondamment observé. Mais la rencontre avec celui-ci, le corbeau Lazare donc, ça a été une révélation, je crois qu'on peut dire un coup de foudre. Pour différentes raisons, en fait, il ne pouvait pas être rendu à son milieu. J'ai donc décidé de le garder, ce qui supposait aménager ma vie en fonction de ses besoins. Et je crois qu'on peut dire qu'il m'a tout appris, bien plus que ce que j'avais pu apprendre jusque-là, en fait. C'est donc la rencontre donc, avec Lazare et le fait de partager son quotidien qui a été le déclencheur de votre engagement auprès de ces oiseaux. Et voilà. C'est-à-dire, quand on constate au quotidien la gentillesse de ces animaux, leur fidélité, leur incroyable sensibilité, leur souffrance quand ils perdent un des leurs, il devient insupportable de savoir la manière dont on les massacre dans notre pays. Et je ne parle pas de leur formidable intelligence. Agir pour les aider, pour moi, c'est incontournable. À mon avis, si on a un peu de fierté humaine, ou du moins de conscience, il faut s'engager. Donc, vous vivez avec plusieurs oiseaux que vous ne pouvez pas rendre au milieu naturel, donc comme Lazare. Et qui sont ces pensionnaires permanents ? Eh bien, ce sont des corvidés imprégnés, c'est-à-dire élevés par des personnes malheureusement bien intentionnées, mais qui n'ont pas mis en place la bonne approche, celle qui aurait permis à ces oiseaux de rester libres. En fait, c'est ce qui se passe quand un corbeau ou une pie a été élevé par l'homme, très jeune et sans contact avec des individus de son espèce. Les corvidés, qui sont à la fois des animaux sociaux, mais qui ont de plus une période d'élevage longue, vont ainsi faire leur apprentissage fixé sur l'humain. Ils vont s'identifier à notre espèce et ne maîtriseront pas les codes de communication qui leur permettraient de cohabiter avec les leurs. Ce qui fait qu'arriver à la période de reproduction, ils seront forcément violemment frustrés et très souvent, ils risquent de développer des comportements que l'on va trop facilement qualifier d'agressifs. Envers l'homme. Et c'est toujours des comportements de frustration redirigés, en fait. Immanquablement, ben, l'issue de l'expérience tourne au désastre. C'est-à-dire que soit l'animal est tué, soit on va le mettre en cage pour la fin de sa vie, puisqu'il est impropre à vivre libre. Donc, pour revenir à votre question, ceux qui vivent avec Lazare ben, proviennent de ces erreurs humaines, malheureusement. Donc, des animaux qu'on ne peut pas relâcher parce qu'ils risquent d'être agressifs, puisqu'ils n'ont plus peur de l'homme. Exactement. Et donc, ces fameuses journées, à quoi ressemble-t-elle, votre quotidien avec ces animaux? Qu'est-ce que ça donne? Alors, je crois qu'on peut dire que mes journées leur sont dédiées. Alors, ça peut être très glamour, hein, ma réponse, mais en fait, il s'agit essentiellement de nettoyer, de nourrir, de renettoyer, de préparer, d'aménager. Enfin bref, il n'y a pas de grasse matinée ni de week-end, bon. Mais c'est aussi et surtout la chance de vivre avec ces oiseaux qui m'intègrent comme une des leurs et qui m'ont ouvert les yeux sur un monde qui est fascinant d'intelligence, si on parle seulement de leur caractéristique la plus connue. Mais ce qui m'a sans doute le plus surprise à leur contact, c'est leur formidable attachement familial. Les liens si forts qui unissent les individus, le couple, les petits, bien sûr, pendant une période, pendant très longtemps, mais aussi les autres membres du groupe. Parce que oui, là on parle d'oiseaux sociaux, mais les corvidés, il y a plein d'espèces. Souvent, on pense aux corbeaux qui sont tout noirs, mais ils sont loin d'être les seuls. Alors, comment est-ce qu'on les distingue les uns des autres? Alors, effectivement, en ce qui concerne la distinction des corvidés noirs, le plus simple, pour moi, je pense, ce sont les vocalises. Ce sont des bavards. Donc, les trois plus courants ont des cris qui sont très distinctifs et reconnaissables dès le plus jeune âge. Bon, sinon, bien sûr, il y a des différences de poids, de taille et de couleur, enfin de nuance de noir en tout cas. Du coup, les trois plus courants, c'est... Alors, les choucas des tours, les corneilles noires et les corbeaux freux. C'est ceux qu'on va croiser le plus courant. Je ne parle pas de la pie parce que celle-là... On ne peut pas la confondre. Voilà, tout le monde la reconnaît. Noire et blanche, pas discrète et qui fait du bruit, qui s'approche de l'homme, personne ne la confond. Mais par contre, pour différencier les trois noirs les plus courants, il faut s'approcher un peu. Et ça, c'est moins évident. Mais bon, si on y arrive, le chouca est bien plus petit, un peu comme un gros merle, avec des yeux clairs. Et la plupart du temps, il a la nuque grise à l'âge adulte. Par contre, on peut assez facilement confondre le corbeau freux avec la corneille noire parce qu'ils font sensiblement le même poids et qu'ils se ressemblent beaucoup dans leur première année. Sauf que dès le 15e mois, le bec du freux va se dégarnir à la base et laisser apparaître la peau grise caractéristique du corbeau freux. Bon, voilà. Et puis pour les observateurs un peu plus pointus, le freux est plus élancé, la corneille est plus trapue. Puis je vous fais grave des autres détails parce qu'en fait, quand on les connaît, ils sont extrêmement différents. Donc il y a d'autres différences qui permettent de les distinguer outre le physique. Oui, alors pour moi, qui les côtoie depuis des années, ils sont très différents, tant dans le régime alimentaire qu'au niveau du comportement. Par exemple, les pies et les corneilles sont territoriales. Ça veut dire que pour se reproduire, chaque couple s'attache à une surface qui est variable, hein, suivant qu'on soit en ville, à la campagne, les ressources disponibles, etc. C'est donc un territoire qu'il va défendre contre l'intrusion d'autres individus de son espèce. Ce qui induit des oiseaux un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus chatouilleux, enfin au comportement éventuellement un peu plus combatif si nécessaire. Donc par exemple, leur régime alimentaire est plus carné. Ils peuvent même un petit peu chasser. Alors un peu, hein, parce que ce ne sont pas de grands courageux quand même. On reste sur des espèces opportunistes. Donc en gros, il faut que le jeu envaille la chandelle. C'est un peu comme nous, quoi. Hein. Manger de la viande, d'accord, mais il ne faut pas que ça demande trop d'efforts pour l'obtenir. Ils sont futés, s'ils peuvent faire le minimum, ils font ce qu'ils peuvent, voilà, pour s'économiser. C'est ça. Et donc les autres? Alors les autres, donc les corbeaux freux et les choucas des tours, eux nichent en colonies, donc de quelques dizaines à quelques centaines d'individus. Alors ça, c'est une particularité qui suppose de très grandes capacités sociales, puisqu'il s'agit d'une vie de groupe. Donc il va falloir pouvoir différencier et reconnaître un grand nombre d'individus, savoir qui est allié avec qui ne s'entend pas avec, etc. Et savoir mettre en place des alliances, apprendre à désamorcer des conflits, élaborer des stratégies de groupe, etc. Donc une très grande intelligence sociale. Exactement. Et malgré tout ces grandes qualités qu'on vient d'évoquer, les corvidés, ils ont plutôt mauvaise réputation par ici. Est-ce que ça a toujours été le cas? Eh bien non. Non, bien au contraire. Hein. Aussi loin qu'on remonte dans notre histoire, le regard sur cet oiseau a toujours été positif. Chez les Romains, par exemple. sur nos ancêtres. Les augures observent le vol des corbeaux avant de prendre certaines décisions pour la cité. Alors, si le vol part à gauche, ça veut dire que les dieux ne soutiennent pas le projet, ce qu'on appelle de mauvais augure, à Sinistra donc, alors qu'un vol qui se dirige vers la droite est de bon augure. Chez les Celtes, également, le corbeau est vénéré, il est reconnu comme l'animal de la sagesse, de la connaissance. Dans la Bible, c'est également un animal qui est bien vu. Alors, on a de nombreuses occurrences de prophètes qui ont été nourris par les corbeaux, comme le prophète Élie, et même dans le Nouveau Testament, des ermites plus tard, etc., etc. Et est-ce que cette vision, elle est partagée par les autres pays ? Complètement. Alors, en Chine, l'api, c'est l'oiseau du bonheur. Et le corbeau, lui, c'est celui qui a apporté la lumière au monde. Comme ça. Voilà. Le monde était dans le noir jusqu'à ce que le corbeau apporte la lumière. Ça, on le retrouve dans de nombreuses civilisations, en Sibérie aussi, d'ailleurs. Okay. Et on soupçonne même que cette croyance soit en place depuis la préhistoire. C'est-à-dire qu'elle serait commune à nous tous. On le retrouve au Japon. Au Japon, il est le symbole de l'amour filial. Ça recoupe ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes observations. Ouais. En Afrique, il est considéré comme un guide, comme un protecteur. Chez les Amérindiens également. Et chez les Amérindiens, on va plus loin parce que c'est celui qui a civilisé le monde. Vous voyez le pont qu'on retrouve sur les différents continents et dans toutes les cultures. Ce qui est intéressant également, c'est que dans toutes les cultures qui intègrent le mythe du déluge, et ça, je trouve ça fascinant, c'est un corbeau qui intervient initialement, y compris dans la Bible. Hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Pour trouver si la terre après le déluge, avec exactement. L'arche de Noé, etc. Ouais. C'est le corbeau qu'on envoie en premier pour amener l'information. C'est ce qu'on va retrouver derrière chez les Celtes, avec Guin et Munin qui parcourent le monde. En Irlande... Ah oui, je finis avec l'Irlande. C'est une expression que j'aime beaucoup. Une expression qui signifie avoir la connaissance suprême, on dit posséder la sagesse du corbeau. Je l'avais vu passer celle-là, the raven knowledge en anglais, tout à fait. Et en France, aujourd'hui, on l'a dit, ils n'ont pas bonne réputation, mais si on rentre dans les détails, comment est-ce qu'ils sont perçus ? En fait, donc, comme je vous l'ai dit, chez nous, tout allait bien jusqu'à la fin du XVe siècle. C'est ce qu'on appelle la période de l'obscurantisme, pendant les chasses aux sorcières. Et là, à ce moment-là, on a diabolisé tout ce qui avait trait au sombre. Le sombre, c'était le diable, le noir. Donc, du coup, les chats noirs, les chouettes et les chauves-souris, parce qu'elles vivent la nuit, et les corbeaux noirs. On est aussi à une période où on va avoir des épidémies, donc des corbeaux qui vont facilement manger sur les charniers. Donc, une image qui va être complètement diabolisée. Enfin, ceci dit, quand même, à cette époque-là, on sait que le fait que les corbeaux mangent les morts, ça permet d'éviter les maladies, on le sait bénéfique. Déjà. C'est D'accord. plutôt bénéfique. Mais c'est, je vous dis, à partir de la fin du XVe siècle, que tout se dégrade pour le corbeau. Et alors, c'est là que c'est plus surprenant, c'est que malheureusement, encore aujourd'hui, on est influencé par cette période. D'ailleurs, c'est ce qui a permis le film, le succès du fameux film d'Hitchcock. On y revient, c'est quand même Dans de la mer pour les requins. Donc le film d'Hitchcock, Les oiseaux, il sort en 1963 et on a encore les conséquences aujourd'hui de cette représentation-là, quoi. Si vous voulez, je vais vous raconter une anecdote. Et c'est récent, c'était il y a 6 ans, en France, à Belfort. Alors, les auditeurs s'en souviennent peut-être parce que ça avait été relayé par les journaux, les radios et même les télés, plusieurs chaînes de télé. Alors, une habitante s'est plainte qu'elle était attaquée par un corbeau quand elle sortait de chez elle. Il venait taper sur sa cheminée chaque matin, il la poursuivait en voiture, enfin bref, c'était un cauchemar. Donc évidemment, on en appelle au service de l'État. La préfecture prend un arrêté d'urgence et bien sûr fait intervenir les chasseurs. On met en place un dispositif, non mais je vous assure, c'est incroyable comme histoire, oui, avec des tireurs, des pièges, on tue plusieurs corbeaux, enfin des corneilles en fait, mais bref, chaque matin. Et on n'arrive jamais à tuer le bon, elle continue, la dame continue de se plaindre, elle était blessée au sang, enfin bref. Jusqu'à ce que... Alors moi, je me situe à l'autre bout de la France par rapport à Belfort. Et ça, l'information me parvient, toute loin que je suis. J'envoie ma position au journal local parce que je connais bien le comportement de ces oiseaux. Et pour moi, c'était évident qu'elle a fabulé. Et en plus, les blessures exhibées, relayées par la télé, je le rappelle, ne correspondaient même pas à ce que peut faire un corvidé. C'est pas possible. Les photos montraient quatre griffures parallèles. Alors ah que non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ils ont trois doigts dans un sens et l'autre de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est... Et puis c'est... en plus, c'est pas des cerfs, c'est pas non plus des griffes de chat, donc ça peut pas... c'est impossible d'être coupé de la sorte. Bizarrement, dès l'apparition de mon expertise, bah, les plaintes ont cessé. Mais bon, moralité de l'histoire, je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas beaucoup évolué chez nous depuis le 15e siècle. En tout cas, les images restent vivaces. Restez avec nous, on vous offre une courte évasion musicale et on se retrouve tout de suite après sur Campus FM. Have you ever been lost in a friend's eye? I have. Have you ever been tossed by the wayside in an old friend's mind? But don't be so nice. That's what she told me. Don't try so hard. Ain't got a chance. I've gotta go. Please, please forgive me. That's what I wanted anyway. Yeah, and have you ever been loved in a friend's eye? You have. Have you ever been lost and wanting a friend's smile? Oh, but don't be so nice. That's what she told me. Don't try so hard. Ain't got a chance. I've gotta go. Please, please forgive me. That's what I wanted anyway. No, I wasn't asking you to stay. C'était un extrait de la compile Seafaring Strangers Private Yacht, sortie il y a 2 ans sur le label Numéro Groupe. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94 FM, dans l'émission Le Nid de Pi. Et nous sommes toujours en compagnie de Véronique Bialoskorski, fondatrice de l'association LADEL, les Amis de Lazare, qui œuvre pour une meilleure connaissance et pour la protection des corvidés, corneilles, corbeaux et pies, qui souffrent encore d'une bien mauvaise réputation. Alors on l'a vu un petit peu avant, on trouve plusieurs espèces de corvidés en France. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de corvidés en France aujourd'hui et quel est l'état des populations actuelles? Alors on est bien d'accord que nous parlons d'espèces communes pour la plupart des corvidés. Ouais. Cependant si on parle de la pie par exemple, qu'on fait un petit sondage autour de nous, on va nous répondre, il y en a beaucoup. Or justement, les effectifs des populations de pies sont en très nette diminution depuis 20 ans, environ moins 60%. Ah ouais, donc, et puis une grosse diminution. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression d'en voir beaucoup si elles sont de plus en plus rares? Bah, en fait, quand on observe la dynamique des populations, on s'aperçoit que si elles se font effectivement plus rares, même dramatiquement plus rares dans nos campagnes, par contre, elles se sont rapprochées des habitations et elles sont beaucoup plus présentes en ville. C'est ça, en fait, qui nous donne l'impression qu'il y en a de plus en plus. C'est simplement parce qu'en fait, on les voit bien. Elles viennent plus près de nous. Voilà, et comme en plus, elles sont faciles à identifier. On a, qu'on met ça en parallèle avec une raréfaction aussi des autres oiseaux. Donc forcément, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. En plus, il faut quand même reconnaître que la pie n'est pas l'oiseau le plus discret. Fait du bruit. Voilà, fait du bruit. Donc, c'est une fausse impression. On a vraiment une très grosse chute des populations. Et on a la même chose pour le corbeau freux, ouais. dont les populations, alors là, c'est notre, elles se déplacent vers le sud, ces populations de corbeaux. C'est ce qui donne une impression d'expansion. Alors, ce n'est pas faux au niveau spatial, mais par contre, pas en termes de nombre d'oiseaux, ouais. puisque lui aussi, il est victime d'une chute très impressionnante hein, des effectifs. En plus, chez le freux, je soupçonne que les pressions qu'ils subissent les incitent à créer des colonies plus importantes. Pour se défendre, etc. Voilà, et ça aussi, ça contribue à donner cette impression de nombre. Oui, donc on les voit plus, donc on pense qu'ils sont plus nombreux, mais en fait, voilà. non. Et quel est le statut de ces animaux, d'un point de vue légal ? Alors, il faut savoir d'abord que depuis les années 70, c'est assez récent en fait, en France, les espèces sauvages sont classées en deux catégories. Protégés ou chassables. Parmi les espèces protégées, alors comme les écureuils, les hérissons, les rapaces, certaines en plus appartiennent à des espèces menacées. Mmh. D'accord ? Donc on ne peut pas les tuer, sauf dérogation. Enfin, si je vous parle du loup, qui est une espèce protégée, vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, l'exemple du loup, il y aurait de quoi débattre, parce que le loup, qui a beau être rare et menacé, peut être abattu. Voilà. Et puis, donc, il y a l'autre catégorie, ce qu'on appelle les espèces chassables, enfin les espèces gibiers d'ailleurs, comme les lapins de garenne, certains faisans, etc. Eh bien, parmi ces espèces chassables, donc qu'on peut chasser telle période de l'année, etc., certaines peuvent être classées susceptibles d'occasionner des dégâts, c'est ce qu'on nomme familièrement les nuisibles. Mmh. Eh bien, figurez-vous qu'en France, les corbeaux freux, les corneilles et les pies figurent sur ces listes. Ce qui veut dire, tenez-vous bien, qu'on peut les tuer en toute saison, y compris en période de reproduction. Donc quand les oiseaux sont au nid. Voilà. Super. Et donc, les conditions de ces chasses, en quoi ça consiste ? Bon, alors bien sûr, il y a tout de même une législation. On n'a pas le temps de détailler. Il y a une législation. C'est pas mal de la connaître, notamment, enfin, on y reviendra peut-être si on a l'occasion sur le piégeage. Mais là, on n'a pas le temps de détailler. Ça n'intéresserait pas forcément tout le monde. Mais en résumé, ils sont tués par tir. Okay. Et par piégeage, donc, toute l'année. Alors, dans plusieurs départements, on offre même une prime pour chaque paire de pattes. Ça, non, je ne vous parle pas du Moyen-Âge, ouais, c'est en ce moment. C'est un peu hallucinant, ouais. quand même. Ouais. Et donc, on peut piéger. Donc, en quoi ça consiste, ça, ce piégeage des corbeaux ? C'est un traitement qui est particulièrement cruel, pour de nombreuses raisons. D'abord, la méthode. On va placer dans une petite cage, où il peut à peine bouger, un appelant, c'est-à-dire une corneille ou une pie, qui, parce qu'il panique, par ses mouvements, par ses cris, il va attirer les autres qui se feront piéger. Mmh. On va tuer ceux qui ont été pris sous les yeux de l'appelant. Et il va vivre cet enfer pendant des semaines, voire des mois. On a peine à imaginer l'horreur que subissent ces animaux. Et figurez-vous que la subtilité consiste à les laisser au bord de l'agonie pour que ça fonctionne mieux. Alors, je vous explique. Ils sont nourris de temps en temps, juste avant qu'ils meurent de faim, afin de rester en souffrance permanente. Vous rajoutez à ça que la grosse saison de piégeage a lieu au moment où les oiseaux ont des petits au nid. C'est des petits qui vont agoniser pendant des jours avant de mourir de faim. Et voilà le tableau de notre gestion de la faune en France. Et puis en plus, enfin moi j'avais un petit peu vu ça, notamment avec les pies, souvent en plus on piège le partenaire du couple. On a dit que ce sont des animaux avec des liens sociaux très forts, donc on attrape le mâle ou la femelle pour piéger son partenaire. Enfin, c'est quand même particulièrement cruel. Voilà, les piégeurs ne manquent pas d'imagination, s'ils manquent d'empathie. Et pourquoi est-ce que les corvidés ont droit à ce traitement spécial ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres, pour mériter ça ? Alors, faut bien reconnaître déjà que ce ne sont pas les animaux qui ont le plus d'atouts. Hein. Ils sont noirs, leur chant n'entre pas dans la catégorie des sons qui nous plaisent, ils n'ont pas un joli minois attendrissant, bref. Enfin, ceci dit, les raisons officiellement invoquées, ce sont les dégâts aux cultures ou la prédation du petit gibier. Alors, sur les dégâts aux cultures, il est vrai que lorsqu'un groupe de corvidés s'abat sur un champ, les pertes peuvent être vraiment significatives. Concernant la prédation des petites espèces de passereaux, c'est souvent ce qui est invoqué. Alors là, par contre, les études sérieuses ont toutes démontré que cet argument était infondé. Alors quand je parle d'études sérieuses, c'est pas « ma voisine a vu une pie attaquer une mésange ». Oui, c'est vrai, la voisine, elle a peut-être bien vu une pie attaquer une mésange. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette prédation, elle est ponctuelle. Ça arrive une fois. Voilà, ça arrive. Et puis ça peut arriver en période de reproduction. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça correspond au moment où les pies ont des petits onis. Et comme tous les jeunes animaux en croissance, comme nous, hein, ils ont besoin de protéines. Donc, les parents pies ou corneilles subviennent aux besoins de leurs jeunes. Or, si les corvidés élèvent au maximum une nichée par an, les petits passereaux, eux, par contre, en élèvent plusieurs. Et c'est ainsi que, sur le long terme, les observations démontrent que cette prédation ne menace pas les petites espèces. Alors oui, bien sûr, ça fait de la peine pour la mésange qui se fait prédater ses petits. C'est un petit peu, malheureusement, la loi de la nature. Ben hein, oui, c'est et ça. Quand on mange de l'agneau, du veau, qu'on boit du lait, on est dans la même logique. Donc on ne peut pas reprocher, et en tout cas condamner ces espèces-là à l'horreur qu'elles subissent en France parce qu'elles nourrissent leurs petits. C'est effroyable. Bah oui, et puis c'est pas aux chasseurs de décider quels animaux ont le droit de manger ou non. Enfin, et donc ces oiseaux, bon, outre qu'ils soient un petit peu massacrés allègrement et un peu gratuitement, ils ont quand même un rôle essentiel à jouer d'un point de vue écologique. Ils ont quand même un rôle dans tout l'équilibre. Bah, bien sûr. Hein. Tout d'abord, le régime alimentaire, s'ils sont omnivores, ils sont surtout insectivores. Par exemple, les corbeaux, ce sont de formidables alliés, en ce sens qu'ils mangent une quantité considérable de larves ravageuses de cultures. Okay. C'est-à-dire que, voilà, quand on veut diminuer la quantité de pesticides, il faut favoriser ces oiseaux qui deviennent des auxiliaires. Mais aussi, et c'est ce qui contribue à leur mauvaise image, ils consomment les cadavres de micro-mammifères. C'est aussi d'un intérêt essentiel. Oui. Et ouais, puisque c'est la seule lutte efficace contre la propagation des zoonoses. Bah oui, si on laisse les cadavres, c'est sûr que... D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, ils ont un rôle reconnu de veille sanitaire. Ce sont en fait, en quelque sorte, nos lanceurs d'alerte. D'accord, donc c'est eux qui, s'il y a plus ou moins de corvidés, on peut se dire que la faune du coin est en plus ou moins en bonne forme. Il y a de ça, mais c'est même plus pointu que ça. C'est quand il arrive quelque chose au corps. C'est vraiment une veille sanitaire. Quand on a des virus en France, on est invité à observer particulièrement les populations de corvidés. D'accord. Enfin, c'est des indicateurs. Oui, ce sont des indicateurs, tout à fait. Alors, si en effet, il y a des problèmes de cohabitation entre les corvidés et l'humain, on en a parlé avec les cultures, etc., il doit bien exister des compromis. Quels sont les problèmes que l'on vous fait le plus souvent remonter? Quels sont les problèmes qui opposent corvidés et humains? Depuis quelques années, le scandale, c'est cette propension des communes en France à autoriser les chasses aux corbeaux en pleine ville. Et pourquoi ? Alors, quand ces oiseaux sont en période de reproduction, ils sont particulièrement bruyants. Ça, on l'a dit tout à l'heure, sont des espèces qui nichent en colonie. Oui, je sais. Nous aussi, on fait du bruit. C'est vrai que pour ceux qui habitent à côté d'une cour d'école, il n'y a pas que les petits corbeaux. Mais bon, enfin, ça veut dire, en tout cas pour les corbeaux quand même, c'est vrai que ça veut dire parfois plusieurs nids dans un même arbre. Et en général, ils choisissent des lieux avec des alignements d'arbres. C'est comme ça, c'est leur biotope. Alors donc, vous imaginez le tintamarre quand vous avez plusieurs dizaines de petits qui appellent leurs parents. Hein, parce qu'en fait, le bruit, c'est ça. C'est des jeunes oiseaux qui réclament à manger. Or, dans notre pays... Où est-ce qu'on trouve de nombreux arbres suffisamment hauts pour que les corbeaux nichent? En général, c'est en ville. Vous rajoutez à ça qu'en plus, comme les corbeaux sont tués par centaines de milliers en zone rurale, j'exagère pas les chiffres, Agatha. Et vous comprenez pourquoi? C'est en ville qu'ils décident d'élever leurs petits. Puis en plus, ils trouvent facilement à manger. Il y a toutes nos poubelles qui sont presque souvent à ciel ouvert. Voilà. C'est un super endroit. Il fait bon, etc. du coup, les riverains se plaignent du bruit. Alors, si dans certains cas, c'est vrai, des immeubles mal isolés notamment, on peut comprendre. On a aussi, malheureusement, de plus en plus souvent, des plaintes, alors que le niveau sonore des corbeautières est inférieur à celui du trafic environnant. Ouais, donc moins fort que les voitures. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Alors, les gens ont, d'une manière générale, une mauvaise culture de la nature. Et ils ont entendu le terme nuisible appliqué aux corbeaux. Donc, c'est logique. Ils voient des corbeaux. Ils veulent les faire disparaître. Et en plus, en général, les corbeaux ne restent pas toute l'année sur le site. Donc, quand ils arrivent en février pour construire les nids, tout d'un coup, ça donne l'impression que... Ça donne l'impression aux gens qu'ils sont... Voilà, ils ont l'impression d'être envahis. Et alors, les communes, au lieu de s'approcher des connaisseurs, ils sortent immédiatement la carte du « Ouais, on va agir !» Et il faut intervenir les chasseurs. Et les chasseurs, je ne rejette pas la pierre, ils vont agir selon ce qu'ils savent faire. Et c'est comme ça qu'on a maintenant des villes qui, tous les ans, font abattre des corbeaux en pleine période de reproduction. Et en pleine ville, en plus. Et en pleine ville. Mais alors, ça serait quoi la solution pour éviter tout ça, ce gâchis inutile? Eh bien, s'il existait une méthode magique qui permettrait d'avoir des arbres sans oiseaux, ça se saurait. Et là, en plus, on parle d'oiseaux extrêmement intelligents. Donc, la réponse à apporter est forcément un petit peu plus élaborée. Ce qui est certain, par contre, c'est que jamais, aucune commune n'a réglé le problème par les tirs. Oui, bien sûr. Jamais. Vous pouvez éplucher toutes les communes de France, ça n'est jamais arrivé. Alors, enfin, c'est vrai, sur le coup, oui, on voit des animaux morts au sol et on a l'impression d'un résultat. Oui, forcément, ceux qui sont morts, ils font plus de bruit. Sauf qu'on n'a rien réglé du tout parce que les oiseaux reviennent l'année suivante. On ne vit pas en vase clos. Hein. Donc, il y a un biotope, il y a des oiseaux. Alors, soit on fait le choix de la barbarie, mais tous les ans, on tue les bêtes, on laisse crever les petits dans les nids. Mais alors là, le problème, c'est que l'opinion publique commence à sérieusement désapprouver. Hein. Soit, alors l'autre option, c'est se comporter en être civilisé, doué d'intelligence, et on va trouver des solutions éthiques. Donc il y en a, ça existe. Il y en a. Notre association intervient très régulièrement sur ces situations. Par contre, je dirais que chaque cas est unique. D'abord parce qu'il faut bien comprendre quelle est la problématique particulière. Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est les déjections? Est-ce que le problème est récent? Est-ce qu'il y a eu des modifications du milieu? Est-ce qu'il y a des éclairages nocturnes, etc. Et on doit travailler main dans la main avec les services de la mairie. Mais ce qui est essentiel, et c'est ce qui conditionne la réussite, c'est une bonne communication des choix qui seront faits. Car en aucun cas, on va, d'un coup de baguette magique, tout régler. Oui, hein, voilà, il va falloir écouter les riverains, discuter avec eux, leur expliquer la ponctualité déjà des dérangements, informer au fur et à mesure de ce qui est fait, sinon c'est l'échec. Hein. Et puis, bien sûr, c'est une volonté forte des pouvoirs publics d'intégrer la biodiversité avec ses avantages. On a des arbres, on a de l'ombre, on a une baisse de la température, etc. Et ses contraintes, on a des arbres, on a aussi des oiseaux et les désagréments qui y sont liés. C'est un peu de travail, donc. Mais dans l'avenir, les villes vont devoir s'y mettre. Parce que continuer à tuer des oiseaux de cette manière, c'est de plus en plus mal perçu. Oui, puis en plus, non seulement c'est pas éthique, c'est la souffrance animale, mais en plus les résultats sont... Et en plus, les résultats sont même pas au rendez-vous. Donc il n'y a vraiment aucune raison de continuer là-dessus. Alors moi, pour finir, j'avais une autre question. Là, donc, on parle des gestions des conflits entre corvidés et humains. Mais vous êtes aussi beaucoup sollicité, notamment au printemps, quand les jeunes oiseaux tombent du nid, parce qu'on peut trouver des bébés pies, des bébés corneilles au sol. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux gens? Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire? Alors, c'est une vaste question, puisqu'effectivement, nous sommes sollicités abondamment au printemps. J'ai plusieurs heures par jour au téléphone avec des gens qui ont trouvé ce genre de situation. Alors d'abord, ce qu'il faut retenir quand même, c'est, je suis obligée de le dire, il s'agit de faune sauvage, donc il est formellement interdit de détenir de la faune sauvage chez soi. Ouais. Ceci étant dit, évidemment, moi je préfère encore qu'il y ait des personnes qui aient pitié d'un petit animal au sol en difficulté, plutôt que les comportements qu'on a vus précédemment. Bien Mais sûr. Si on veut vraiment les aider, deux choses. La première, nous ne serons jamais de bons parents pies. Donc, il faut favoriser à tout prix la remise aux parents, à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire des efforts pour remettre l'oiseau à ses parents. En plus, il y a un attachement familial énorme. Les parents souffrent de la perte du juvénile. Donc, bon, ça, c'est ce qu'il faut faire. Quand vraiment ce n'est pas possible, il faut impérativement contacter des professionnels, c'est-à-dire des centres de sauvegarde de la faune sauvage. Soit ils pourront accueillir les oiseaux, soit au moins ils pourront vous donner les meilleurs conseils. Parce que parfois, Gata, figurez-vous, qu'on ne peut pas remettre le petit au nid tout de suite, parce que le nid est trop, on est en ville, enfin bon bref, il y a un contexte. Mais parfois, on peut le remettre au bout de quelques jours. Ça a été une des plus belles surprises de mon travail avec les corvidés, c'est de m'apercevoir que les parents... Et ça, je l'ai beaucoup mené, cette étude sur les pies. Au bout de 2, 3, voire 8 jours, ça dépend de l'âge des petits, ils vont reprendre le juvénile. Et j'ai même eu des durées beaucoup plus longues. Ouais. Et ils vont continuer de l'élever parce qu'un petit corvidé, c'est pas parce qu'il s'est mangé et qu'il s'est volé que ça y est, vous pouvez le lâcher dans la nature. C'est comme votre gamin. À partir du moment où il s'est mangé et où il s'est marché, vous ne pouvez pas le lâcher dans la nature. Donc, c'est très complexe et personne mieux que les oiseaux de l'espèce ne peuvent faire, accompagner cet individu. Voilà. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a les idées, par exemple, avec les petits fans dans la forêt qu'il ne faut pas toucher parce qu'il y a l'odeur, mais il n'y a pas ce problème-là avec les oiseaux. On peut remettre les petits dans leur nid. Exactement, okay. Oui, c'est vrai. Alors, vous faites bien de le souligner. Oui, vous avez complètement raison. Les oiseaux ne fonctionnent pas à l'odorat. Ils fonctionnent comme nous. Ils reconnaissent leurs petits parce que quand ils le voient, ils voient bien que c'est leur. Nous, comme nous, vous, quand on vous présente votre gosse, en général, vous le reconnaissez. Mais aussi quand vous l'entendez. Et les petits, les pies et les corneilles reconnaissent. Ouais, cri, et les corbeaux, même de loin, ils reconnaissent au milieu de tous le cri. Du leur. De leur petit. Voilà. Donc vraiment, les bons conseils, c'est vraiment de remettre le petit, si possible, dans le nid. Et s'ils sont blessés, se rapprocher des centres de soins. Donc il y a plein de centres de soins, de sauvegarde de la faune sauvage. Alors, il y en a plein, malheureusement. De moins en moins, mais oui. je vais essayer de faire en sorte de vous donner un lien internet sur le podcast. Comme ça, vous pourrez retrouver les sites les plus proches de chez vous. Eh bien, merci beaucoup Véronique pour avoir ainsi redoré le blason de ces oiseaux fascinants, qui méritent quand même qu'on les maltraite un peu moins. Pour plus d'informations, donc, n'hésitez pas à consulter le site de l'association www.ladel.fr et à soutenir l'action de Véronique en lui faisant des dons. Parce que oui. Lazare, Balbo et Lulu et les autres comptent sur vous. On finit avec quelques petits conseils lecture. Pour replonger dans l'univers des requins évoqués dans la chronique, deux références que voilà. Premièrement, le site du Florida Museum, qui vous permettra d'apprendre qu'il y a bien plus de chances que vous mouriez frappé par la foudre ou emporté par une tornade que croqué par un requin. Le site est en anglais, mais donne des nombres et des chiffres très parlants qui permettent clairement de relativiser. Voici l'adresse du site internet que je vous mettrai aussi donc, sur internet, www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks. Un ouvrage ensuite, Les requins, dans la collection de la Petite Bédéthèque des Savoirs aux éditions du Lombard, qui est un livre écrit par Bernard Serret, qui est un spécialiste des requins, et illustré par Julien Solé. C'est une petite bande dessinée qui est richement documentée, très bien mise en image et qui permet de vous faire un résumé de tout ce que l'on sait des requins aujourd'hui. Les espèces, les innovations, les comportements, il y a vraiment plein de choses et tout y est traité avec une très grande clarté. Ensuite, pour se documenter sur les corvidés, je vous conseille à présent deux nouveaux livres. Le premier, c'est un peu la référence en la matière puisqu'il s'agit d'un guide édité chez Delachaux et Niesley. Il s'agit du livre « Corbeaux et corneilles » de Georges Olioso. Il permet d'identifier à coup sûr tous les corvidés d'Europe et il vous permettra de tout connaître sur les populations de chaque espèce, ainsi que leur régime alimentaire, leur lieu de vie, leurs habitudes et leurs comportements. Le dernier est un de mes livres de chevet, je l'ai recommandé un nombre incalculable de fois. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « L'étonnante intelligence des oiseaux » de Nathan Emery, qui est l'un des chercheurs qui a le plus étudié l'intelligence des corvidés. Ce livre est édité aux éditions Quay. Il retrace toutes les découvertes les plus récentes en matière d'intelligence des oiseaux. Et c'est un livre très richement illustré qui explique simplement des expériences scientifiques complexes. Et bien sûr, les corvidés y sont à l'honneur parce que ce sont un peu les stars, même si l'on parle aussi de mésanges, hérons et perroquets. C'est un incontournable pour moi. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières. Et d'ici là, gardez la pêche.